Eh bien, bonjour à tous, vous êtes bien sur Radio Fadjet et bienvenue pour ce numéro spécial de la boîte à BO consacrée à Pierre Richard, car vous avez certainement reconnu la BO du Grand Blond est une chaussure noire signée Vladimir Cosma. Et pour co-animer cette émission toujours fidèle au poste, Francine, bonjour Francine. Bonjour Jérôme. Alors Francine, que peux-tu nous dire en quelques mots sur Pierre Richard? Alors, Pierre Richard est né le 16 août 1934 à Valenciennes et Pierre Richard est devenu une vedette comique du cinéma français au début des années 60. Il connaît ses plus grands succès en interprétant des personnages burlesques, rêveurs et gaffeurs. Il est ainsi à plusieurs reprises François Pignon ou François Perrin dans les films de Francis Weber. Il est souvent surnommé le Grand Blond depuis le film Le Grand Blond avec une chaussure noire en 1972. Et il a aligné 12 films à plus de 2 millions d'entrées, ce qui est remarquable. Alors nous allons retrouver en musique ses plus grands succès. Eh bien, retrouvons-nous tout de suite pour cette boîte à BO spéciale Pierre Richard. Alors, en 1968, Pierre Richard débute au cinéma dans Alexandre le Bienheureux d'Yves Robert. Ce réalisateur a eu une influence énorme dans sa carrière puisqu'il le retrouve en effet en 1972 pour tourner Le Grand Blond avec une chaussure noire et sa suite Le Retour du Grand Blond en 1974, puis un dernier film en 84 avec le film Le Jumeau. Alors, Vladimir Cosma composait ainsi sa première musique de film pour, effectivement, Alexandre le Bienheureux d'Yves Robert. Et donc, les deux hommes vont alors rester très lié et Vladimir Cosma va signer une très grande majorité des films de Pierre Richard, comme vous allez pouvoir donc le constater. Alors revenons maintenant sur son premier grand succès, avant Le Grand Blond, en 1970 avec Le Distrait, qu'il réalise, interprète et réalise lui-même. Son personnage de gaffeur rencontre un succès immédiat. Profitant du succès, il poursuit la mise en scène avec Je ne sais rien, mais je dirai tout en 1973 et Je suis timide, mais je me soigne en 1978. Alors revenons tout de suite à la BO du film Le Distrait, et bien sûr, cette musique signée Vladimir Cosma. Alors, Jérôme, Pierre Richard va jouer avec les principaux réalisateurs rois de la comédie française, à commencer par Claude Zidi avec La moutarde me montonnait en 1974 avec 3,7 millions d'entrées, puis La course à l'échalote en 1975 avec près de 3 millions d'entrées. Pour ces deux films, où l'on retrouve le trio Zidi-Richard-Jane Birkin, c'est à nouveau Vladimir Cosma aux commandes. Alors retrouvons un extrait de la BO du film La course à l'échalote, toujours signé Vladimir Cosma. Thank you. Voilà, c'était la bande originale donc du film La course à l'échalote, un film donc signé Clozidi. Alors, autre grand réalisateur ayant tourné avec Pierre Richard, Gérard Oury, avec deux films, La Carapate en 1978, puis Le coup de parapluie en 1980. Alors, pour La Carapate, Pierre Richard retrouve Victor Lanoux et Raymond Bussière. Alors, l'histoire, en mai 1968, Jean-Pierre Duroc, un avocat taxé de gauchisme, rend visite à Lyon à son client Martial Gaulard, condamné à mort pour un meurtre qu'il n'a pas commis. À ce moment, une mutinerie éclate à la prison. Gaulard en profite et, subtilisant les habits de son avocat, parvient à s'échapper. La police est persuadée que Duroc a contribué à l'évasion et les deux hommes sont alors recherchés par toutes les polices de France. Alors, sais-tu, Jérôme, que Gérard Oury devait à l'origine tourner le film Le Crocodile avec Louis de Funès dans le rôle principal, mais à la suite des deux infarctus successifs de l'acteur en 1975, le projet est abandonné. Donc ensuite, le rôle de Victor Lanoux était initialement prévu pour Patrick Devers, qui refusa le rôle, ne se sentant pas à l'aise dans la comédie. C'est l'occasion donc pour Victor Lanoux et Pierre Richard de tourner un film ensemble, le seul, quelques années après le duo d'humoristes de leur début. En tout cas, c'est un beau duo hein, que ce film, ouais, dans ce film, La Carapate. Alors, c'est donc en fait un des rares films aussi, avec Pierre Richard, où la musique n'est pas composée par Vladimir Cosma, puisque la BO est signée Philippe Gérard et la chanson du film Because It's May est interprétée par le groupe donc The Sunset Brothers. Alors, je vous propose donc tout de suite d'écouter la BO de ce film La Carapate. It's May, jolly mois de mai. Girls' knees are showing, their hair is blowing all over. 'Cause it's May, get high as honey, throw away money, and don't ever say no way. There's a color in the sky in France, France, France. People have a certain Alors, 2 ans plus tard, c'est Le coup de parapluie, toujours réalisé par Gérard Houry. C'est l'histoire de Grégoire Lecomte, interprété par Pierre Richard, un acteur de seconde zone qui, suite à un quiproquo, va être pris pour un dangereux tueur à gages chargé d'un nouveau contrat, celui de tuer un riche industriel à l'aide de la pointe d'un parapluie. Alors justement, Francine, sais-tu que l'histoire est inspirée en fait d'un fait réel, puisqu'en 1978, donc 2 ans avant le film, 2 ressortissants bulgares furent assassinés à Paris et à Londres à l'aide justement d'un parapluie empoisonné. Ah bah dis donc. Pour ne pas changer une équipe qui gagne, la BO est signée Vladimir Cosma. Eh oui, on retrouve tout de suite donc la BO du film Le coup de parapluie. Voilà, c'était donc un extrait donc de la bande originale donc du coup de parapluie signé Vladimir Cosma. Alors maintenant, on va passer au début des années 80 avec un autre grand réalisateur puisque Pierre Richard entame avec Francis Weber une collaboration fructueuse avec 3 comédies à succès. La Chèvre, Les Compères et Les Fugitifs où il partage l'affiche avec Gérard Depardieu. Alors Francine, je suis vraiment un fan de La Chèvre, hein, ce film sorti en 81 qui va être le plus grand succès de Pierre Richard en tant qu'acteur principal puisqu'il y aura plus de 7 millions d'entrées et j'ai un petit faible pour la scène de l'aéroport dont je te propose tout de suite d'écouter un extrait. Voici l'extrait de l'aéroport. Je vais chercher un chariot. Oh, oh, oh, il est à moi le chariot là, hein? Pardon? Le chariot, je viens de le sortir pour mes bagages. Mais vous fâchez pas, pas marqué dessus qui est à vous le chariot. Enfin, j'ouvre le coffre et il me pique mon chariot. C'est pas lui qui est allé le chercher, merde! Mais je vois un chariot vide sur le trottoir, je le prends. Si vous voulez le garder, fallait pas le lâcher. Mais je l'ai pas lâché, j'ouvrais mon coffre pour sortir mes valises. Bon, laissez-lui son chariot, allez, venez. Non, mais permettez, ce monsieur Magras, je vois pas pourquoi je me laisserais faire. Enfin quoi, merde, je fais 10 kilomètres pour trouver un chariot et cet abruti me le fauche. Non, mais on n'a pas besoin d'un chariot pour 2 valises, allez, venez, venez! Il m'a traité d'abruti. C'est une affaire entre lui et moi, je vous demande de ne pas intervenir. Vous m'avez traité d'abruti? Hein? Je pratique les arts martiaux. Judo, aïkido, karaté. La première chose qu'on nous apprend, c'est le contrôle. Un type me traite d'abruti, je ne connais pas, je le regarde et je m'en vais. Eh ben, tire-toi alors. Vous avez de la chance. Allez, prends les chariots effilés. Vous avez de la chance. Gros connard. Vous avez de la chance. T'aider. Je suis arrivé à contrôle total. En route. Pardonnez-moi cette démonstration de force, mais j'ai horreur qu'on marche sur les pieds. Oh là là là là. Bon, vraiment irrésistible, donc, cette scène de la chèvre. Alors, je crois que tu as une petite précision à nous apporter. Mais oui, sais-tu, Jérôme, que le réalisateur Francis Weber, après le semi-échec de son premier film Le Joue avec Pierre Richard, ne pense pas à Pierre Richard pour tourner la chèvre au début des années 1980, peut-être par superstition, ni d'ailleurs à Gérard Depardieu, qui n'a encore jamais fait de film comique. Francis Weber veut Lino Ventura pour interpréter Campana, le détective macho au coup de poing facile. Il sait de son propre aveu qu'il est chiant sur un tournage, mais pour avoir travaillé avec lui sur L'Emmerdeur, peu de doute, c'est le meilleur rôle pour lui. Alors Ventura accepte après avoir lu le scénario, mais à une condition non négociable, que pour jouer Perrin en face de lui, ce ne soit pas le comédien choisi par Weber, Jacques Villeray. Weber propose donc le rôle à Pierre Richard, un choix validé par Lino Ventura. C'est bon, la chèvre est sur les rails, sauf que juste avant le tournage, nouveau rebondissement, Lino Ventura se retire soudainement du tournage. Il prétexte que son cachet n'est finalement pas assez important. En fait, à l'image de Jean Gabin qui se méfiait de tourner avec Louis de Funès, il avait peur que Pierre Richard, avec ses gaffes et ses gags, ne lui vole la vedette. Eh bien, merci pour cette précision, Francine. Et sacré concours de circonstances. Et en tout cas, on ne regrette pas, effectivement, ce fameux duo Pierre Richard et Gérard Depardieu. Allez, on retrouve tout de suite donc, la BO donc, de ce film, donc, La Chèvre, signé Vladimir Cosma toujours. Alors en 1983, le film Les Compères remporte également un très grand succès avec 4,8 millions d'entrées. En 1997, Ivan Reitman réalise une reprise américaine intitulée Drôle de père avec Robin Williams et Billy Crystal. Donc la BO est toujours signée Vladimir Kosma. Voilà, c'était un extrait de la bande originale du film Les Compères. Alors, donc après La Chèvre et justement Les Compères, eh bien Pierre Richard et Gérard Depardieu se retrouvent en 86 pour le troisième et dernier volet donc, du film de Francis Weber, Les Fugitifs, qui rencontrent là aussi un nouveau succès avec près de 4,4 millions d'entrées. Dernier, donc grand succès pour Pierre Richard. Alors là aussi, comme pour Les Compères en 89, eh bien Francis Weber va tourner une version américaine, dans Three Fugitives, avec Nick Nolte et le Canadien Martin Short. Et on retrouve donc tout de suite un court extrait donc, de la bande originale du film, donc Les Fugitifs. Et oui, donc le duo Pierre Richard et Gérard Depardieu donc, a donc fait des étincelles avec cette trilogie des films de Francis Weber. On a fait 3 films, mais si Weber avait voulu, on en aurait pu en faire 6, a-t-il raconté un jour dans le Figaro. On aurait été les Laurel et Hardy. Il y avait une magie quand on arrivait à 2 sur le plateau. On était des gamins dans une cour de récréation. Voilà, donc on va maintenant passer à la suite et maintenant la fin de la carrière donc cinématographique donc de Pierre Richard, qui tourne toujours bien sûr actuellement, mais avec donc ses derniers films. Voilà, donc après ces 3 triomphes, Pierre Richard ne va plus réellement rencontrer de succès au cinéma. Il jouera pour la télévision avec le téléfilm Robinson Crusoe en 2002. Le 26 février 2006, il reçoit le César d'honneur décerné pour l'ensemble de sa carrière par l'Académie des arts et techniques du cinéma et remis par le comédien Clovis Cornillac. Il enchaînera de nombreux films sans jouer forcément les rôles principaux, comme La petite famille de Danny Boone, dans lequel il incarne le père du personnage incarné par Boone. Enfin, citons Les grands fourneaux en 2018, un film de Christophe Duturon, dans lequel il retrouve Eddie Mitchell, Roland Giraud, qui ensemble jouent le rôle de trois amis d'enfance de 70 ballets qui ont bien compris que vieillir était le seul moyen connu de ne pas mourir. Et ils sont bien déterminés à le faire avec style. La BO est signée Christophe Duturon et Yannick Hunier. Donc, écoutons tout de suite cette BO. Voilà, donc ainsi se termine ce numéro spécial de la boîte à BO consacrée à Pierre Richard. Alors, dernière petite info, Francine, avant de se quitter, on se demande pourquoi effectivement Pierre Richard n'a plus les cheveux frisés de ses débuts. Hein. Ah oui. Et bien, il l'a annoncé lui-même, il s'agit d'une conséquence d'une opération chirurgicale. Quand il s'était réveillé, et bien, il n'avait plus les cheveux frisés. Incroyable. Voilà, donc j'espère que cette émission vous a plu et que vous avez pris plaisir de découvrir et de réécouter ces BO de films de ce grand acteur français. N'hésitez pas à nous laisser vos impressions sur le site Facebook de Fadjet, puis de nous vous faire part de vos BO coup de cœur. Eh bien, Francine, encore une fois, merci de m'avoir accompagné. Ben, c'était tout à fait agréable, Jérôme. Eh bien, rendez-vous la semaine prochaine. Alors, à la semaine prochaine. Allez, d'ici là, portez-vous bien et restez fidèles à Radio Fadjet.